Activité 37. Notre invité ce matin est le professeur Luc Passera. Il est professeur émérite à l'université Paul Sabatier de Toulouse et il publie la véritable histoire des fourmis, j'y arrive, dans la collection Le Temps des Sciences chez Fayard. Luc Passera, une question. Vous parlez d'une réussite écologique extraordinaire pour les fourmis. L'écologie, c'est un thème dont on parle beaucoup aujourd'hui dans de tout autre contexte. Il en est plutôt question sur la scène politique, dans le débat public. Expliquez-nous ce que les fourmis ont réussi qui nous serait à nous inaccessible. Alors, ce qu'elles ont réussi, inaccessible à nous. Ou difficile en tout cas. Difficile. Bon, c'est s'adapter à des conditions de vie particulièrement difficile. Je sais bien qu'il y a des explorateurs qui vont vers le pôle Nord. On peut également très bien survivre dans l'Afrique tropicale, mais peut-être pas aussi bien que le font les fourmis. Par exemple, dans les milieux tropicaux, les fourmis pullulent à raison, par exemple, d'à peu près 50 millions d'individus par hectare. Ce qui est quand même un chiffre remarquable. Plus on va d'ailleurs vers les régions équatoriales, et plus on rencontre de fourmis. Sur un seul arbre de la forêt amazonienne au Pérou, on trouve 43 espèces de fourmis, ce qui est supérieur au nombre d'espèces de fourmis que l'on trouve dans toutes les îles britanniques. Donc les fourmis savent s'adapter, mieux que nous sans doute, à des conditions extrêmes. Alors cette faculté d'adaptation extraordinaire fait qu'elles utilisent ce que vous appelez une boussole astronomique, qu'elles utilisent un podomètre pour évaluer les distances. Voilà, là ce sont des fourmis qui vivent dans des zones désertiques, en plein Sahara, sous des températures donc qui peuvent atteindre 55 degrés. Et elles sont, évidemment, il n'y a pas un seul repère topographique visible. Et pour retrouver le nid lorsqu'elles sont allées chercher de la nourriture qui est des cadavres d'insectes qui sont morts de sécheresse, tout simplement, eh bien, elles vont utiliser une boussole astronomique, c'est-à-dire qu'elles vont décrire un cap par rapport au soleil. Et elles sont même capables, pendant le chemin aller, c'est-à-dire lorsqu'elles s'éloignent de leur nid, elles sont capables d'intégrer le déplacement apparent du soleil dans le ciel. Et donc, quand elles reviennent, elles tiennent compte de cette déviation. Si on fait un peu de géopolitique des fourmis, toujours pour suivre ce penchant anthropomorphiste ou anthropomorphique qui est le mien depuis ce matin, en écoutant Alexandre Adler, il parlait de la guerre froide, de l'équilibre, de la terreur. Elles, les fourmis, elles ajustent le format de leur armée au degré de menace que représente l'adversaire. Elles n'ont pas de scrupules à employer des armes chimiques, Luc Passera. Alors effectivement, la guerre fait partie du monde des fourmis, parce que les fourmis sont extrêmement territoriales, la plupart d'entre elles en tout cas, sont très territoriales et défendent donc leur pré carré. Avec... Si vis pacem, parabellum, c'est voilà, la devise des fourmis. Ça pourrait être la devise des fourmis. Et elles entretiennent au moins certaines espèces une véritable armée, c'est-à-dire des fourmis qui ont une morphologie particulière adaptée à la guerre, c'est-à-dire des mandibules surdimensionnées qui peuvent donc couper facilement l'ennemi. Mais ces soldats ne savent faire que la guerre, en quelque sorte, et sont donc coûteux à entretenir quand il n'y a pas de guerre. Il faut donc ajuster leur nombre à la menace éventuelle que peut subir la société. Eh bien, certaines fourmis, et ce sont des fourmis même françaises, que l'on trouve donc dans le midi de la France, savent parfaitement estimer le degré de dangerosité d'un biotope déterminé par les rencontres qu'elles peuvent faire. Et si elles rencontrent beaucoup d'animaux qui peuvent leur causer des soucis, elles augmentent le nombre de leurs soldats. Et elles peuvent envoyer, par exemple, au front des individus âgés devenus inutiles. Effectivement, les soldats, ou les individus en tout cas, qui sont chargés de la défense de la société, sont généralement les individus les plus âgés. Ce sont donc des individus qui ont déjà rendu à la société tout ce qu'elles en avaient reçu, qui ont donc travaillé déjà toute leur vie pour leur société, et donc la disparition de ces animaux est sans aucune espèce d'importance pour la société. On retrouve ça dans les fourmis, par exemple, champignonistes, qui ont des dépôts d'ordures impressionnants. Il y a des centaines de kilos d'ordures dans ces nids. Manœuvrer dans des dépôts d'ordures, c'est très dangereux. Il y a des bactéries partout, il y a des microbes partout. Eh bien, les fourmis que l'on envoie faire ce travail d'éboueur, ce sont des fourmis les plus âgées. Donc, elles vont mourir, c'est sûr, mais c'est pas grave. Ce sont les fourmis les plus âgées et elles ne sortiront jamais du dépotoir de façon à ne pas contaminer le reste de la société. Et dans ce monde cruel, même si nos auditeurs ne doivent pas y voir une connotation morale, il y a des fourmis kamikazes qui ont un rôle très spécifique, Luc Passerin. Alors il y a également des fourmis kamikazes, on reste toujours dans le compartiment guerrier, si vous voulez. Ce sont des fourmis toujours dans notre géopolitique des fourmis. Voilà, ce sont des fourmis qui ont des glandes surdimensionnées, des glandes céphaliques logées dans la tête, mais tellement longues qu'elles vont jusque dans l'abdomen. Et ces fourmis, lorsqu'elles sont au contact d'un intrus, contractent leur abdomen et explosent leur abdomen en projetant sur l'ennemi un liquide qui est évidemment toxique. Donc elles meurent, c'est sûr, mais l'ennemi également va périr.